Mon chéri, c'est toi qui as cassé le plat noir ? Ben non, je n'ai pas cassé le plat. Oui, et où est-ce que tu as rangé le paquet de bonbons ? Je n'ai pas pris le paquet de bonbons. Quel bonbon ? Il y a des bonbons ? Oh, c'est bizarre, je ne trouve pas mon porte-monnaie. Où est-ce que tu as mis mon porte-monnaie ? Je n'ai pas vu ton porte-monnaie. C'est pas juste, tu m'accuses toujours. Non, mais non, je ne t'accuse pas, je te demande tout simplement.